Exercice 13, page 149. Non. Ce matin, nous sommes allés chez elle, à Évry, et il n'y avait personne. Sa voisine nous a dit que Maud Dupuis était en voyage. Vous savez si elle travaille ? Demande Oscar. Non, on ne sait presque rien d'elle. Nous avons eu son adresse.